Je vous propose aujourd'hui de redécouvrir une émission sur Emmanuel Kant, initialement diffusée le 1er octobre 2020, intitulée « Qu'est-ce que le mal radical ?» L'homme est-il naturellement méchant ? Le mal que nous commettons est-il en nous ou en dehors de nous ? De deux choses l'une, soit le mal n'est que dans nos actions, et auquel cas une bonne connaissance de la situation et de nous-mêmes peut nous permettre de l'éviter, soit il est en nous. Et alors nous sommes condamnés à être méchants. Ce qui place le philosophe qui réfléchit sur le mal dans le rôle d'un exorciste chargé d'extirper le mal du plus profond de notre être. Attention aux oreilles sensibles. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. Quelle excellente journée pour un exorcisme. Ça te satisfait? Qu'est-ce que c'est? De l'eau bénite. Enlève-moi vite ça! Ça brûle! Laisse pas succomber à la tentation. Mais délivre-nous du mal. Que l'ennemi soit impuissant contre nous. Et que le fils de l'iniquité n'ait pas le pouvoir sur nous. Mercus des cœurs en enfer, Seigneur, écoute, et que mon cri te parvienne. Le Seigneur soit avec nous. Et avec notre esprit. C'est Dieu, le Saint-Esprit, qui te somme de fuir. C'est le mystère de la croix qui te somme de fuir. C'est le sang des saints martyrs qui te somme de fuir. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evilous man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, my lass in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on an iron shirt. Bonjour Michel Cohen-Halimi. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes donc philosophe, professeur de philosophie à l'Université Paris 8. On vous doit notamment un ouvrage collectif intitulé « Kant, la rationalité pratique » disponible aux éditions PUF. Est-ce que vous aussi parler de Kant vous met en joie à chaque fois ? Oui, absolument. Bon bah tant mieux, j'espère que cette joie durera jusqu'à la fin de cette émission, d'autant qu'on parle d'un sujet qui lui n'est pas forcément joyeux. Est-ce que Kant, lorsqu'il réfléchit sur le mal et le mal radical, on va le définir, est-il dans la position du médecin qui veut diagnostiquer un mal ou de l'exorciste qui veut extirper ce mal de notre corps ? Je ne crois pas qu'il soit dans la position de l'exorciste parce que, en fait, ce mal est imputable à notre liberté, à notre seule liberté, et donc il est irréductible. Donc il n'y a pas de principe du mal, il n'y a pas de nature pécheresse, même si l'expression vient de Luther et qu'elle pourrait laisser attendre, dans le fond, une charge venant peser sur une anthropologie pécamineuse, pécheresse de l'homme. Il n'y a pas, on ne retrouve pas chez Kant ce que Pascal appelle cette malheureuse racine du péché. Il faut comprendre que l'obstacle à la liberté procède tout entier d'une certaine liberté et que Kant va nous faire rentrer dans un conflit intérieur à la liberté elle-même sans trouver à s'appuyer sur aucune structure, ni anthropologique, ni théologique, d'aucune manière. Et donc pour comprendre que nous puissions ne pas vouloir être libres, et que ce pouvoir soit le fait de notre liberté elle-même, il va falloir en fait dissocier la liberté de la volonté. Mmh. À l'intérieur de la liberté de la volonté, il va falloir dissocier, je dirais, une sorte d'instance législative et d'instance exécutive. Donc la volonté est déterminée par un principe formel, la loi morale, mais ce principe formel ne suffit pas à produire un acte. Il faut encore que ce principe, donc cette loi morale qui devient motif d'action en devenant objet de respect, en suscitant le respect, c'est-à-dire le mot allemand que choisit Kant n'est pas anodin, c'est Achtung, donc c'est la loi morale que tout un chacun entend au plus intime de sa conscience, il l'écoute. Donc cette écoute qui convertit l'entente en activité signifie la transformation de la loi morale en un motif. Mais ce motif doit encore, et donc là on passe du pouvoir législatif, si je puis dire, au pouvoir exécutif, il doit encore descendre dans les maximes de l'arbitre. L'arbitre, c'est le pouvoir exécutif, c'est le pouvoir de décision, c'est la puissance des contraires, et cet arbitre est sensible et libre. C'est sa caractéristique humaine. Ça veut dire qu'en réalité... C'est contradictoire pour Kant. C'est une tension, c'est pas contradictoire, c'est une tension interne de l'arbitre, sur laquelle donc je vais revenir dans un instant. Mais ce qui me semble important de dire, c'est qu'il y a donc un usage de la liberté dans la décision de l'arbitre d'adhérer ou de ne pas adhérer à la loi morale, d'en faire la maxime des actes. Et cette liberté-là, eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle est irréductible. Elle est irréductible et elle vient donc, contrarier l'essence de la liberté qui est du côté du pouvoir législatif, c'est-à-dire du côté de la loi morale qui nous fait connaître la liberté dans son essence. C'est par la loi morale que je prends conscience de ma liberté. Sans pouvoir dire ce qu'elle est. Je sais qu'elle est, mais je ne sais pas quelle est sa nature. Voilà, absolument. Elle est inscrutable, inconnaissable, mais elle est déduite par le fait de raison qui est l'auto-imposition par la raison pure pratique de la loi morale à toute conscience. Mais ça veut dire qu'il y a deux types de liberté ? Il y a deux types de liberté. Il y a une liberté, on pourrait dire, essentielle, qui est adhérente à l'imposition de la loi morale à la volonté. Mmh. Et il y a une liberté, alors là voilà, on revient à cette question de l'arbitre, qui est le pouvoir de décision. Alors à pas confondre du tout avec le libre arbitre cartésien, parce que c'est un arbitre sensible, donc toujours déjà affecté par les inclinations, mais qui a la possibilité, en tant qu'il est libre, cette sensibilité, ces inclinations ne sont pas nécessitantes. Sinon, Kant dit qu'on aurait affaire à une sorte d'arbitre serf ou d'arbitrium brutum, donc le serf-arbitre de Luther. On a un arbitre qui n'est pas non plus entièrement nécessité par la raison. On serait dans ce cas-là des saints. Donc il y a toujours chez Kant une sorte de mise en perspective qui nous accorde une position médiane entre la bête et l'ange, donc entre la bestialité d'une détermination entièrement nécessitée par les inclinations, pas de liberté, et une volonté qui serait spontanément, dans le fond, obéissante à la loi morale. Et nous sommes dans un entre-deux qui est donc l'arbitre sensible et libre. Et donc on pourrait dire, et c'est une suggestion d'un des commentateurs de ce point, Pierre Osmo, on pourrait dire qu'en fait chez Kant on n'a pas du tout affaire à un libre arbitre, mais on a affaire à un arbitre libéré des impulsions sensibles et de leur détermination, de leur force de détermination. Et donc cet arbitre, il peut dans le fond s'arracher aux déterminations sensibles et il peut faire descendre dans les maximes de sa détermination de l'action la loi morale. Mais il peut aussi ne pas le faire. Il peut ne pas le faire. Et cette liberté est absolument irréductible. Et c'est ça qu'il va falloir comprendre. C'est-à-dire que, dans le fond, cette perspective kantienne, en même temps qu'elle nous donne le sentiment d'être en terre inconnue, voilà de nouveau Luther qui revient, le mal radical, il y a une racine du mal, donc il y aurait un principe du mal en nous contre lequel il faudrait se battre, ou qu'il faudrait exorciser, ou qu'il faudrait soigner. Pas du tout. Là où ça devient un peu vertigineux, c'est que, en fait, nous n'avons affaire à rien d'autre qu'à la liberté de l'arbitre, confronté à la liberté de la volonté autonome. Enfin, la liberté de la volonté s'entend comme autonomie. Je me donne à moi-même la loi morale comme motif. Mais se donner à soi-même la loi morale comme motif n'est pas encore produire un acte vertueux. Mmh. Il faut encore que l'arbitre adhère à cette loi morale et en fasse, dans le fond, la cause des actions. La première, c'est celle qu'on appelle liberté transcendantale ? Oui, c'est ça. Et dans le fond, on retrouve cette sorte de jeu entre un pouvoir législatif et un pouvoir exécutif. Il me semble que l'analogie est assez éclairante. Mais on retrouve, il me semble aussi, une grande distinction métaphysique que Aristote déjà théorise dans le De Anima, et qui est la distinction entre un principe et une cause. Voilà, donc le principe de la volonté, lorsque sa détermination, c'est la loi morale, n'est pas encore une cause d'action. Et un dernier point avant d'en arriver au mal, justement, vous avez employé l'expression de la liberté qui descend vers la maxime. Il y a donc une verticalité, il y a comme une ascension et une descente une hiérarchie donc entre ces libertés. Oui, absolument. Alors ça me semble extrêmement important, c'est-à-dire que la dualité, liberté de la volonté, autonomie, pouvoir législatif, et la liberté de l'arbitre, donc l'arbitre libéré ou l'arbitre libre, le pouvoir exécutif, va correspondre, donc dans cette conflictualité, Kant va nous plonger dans des strates assez profondes qui relèvent d'une anthropologie morale, et il va investiguer les conditions subjectives, dans le fond, de l'acte du vertueux, et on va trouver une dualité qui n'est pas un dualisme, parce qu'il y a une hiérarchie, précisément entre l'essentialité de la liberté, qui est l'autonomie, donc qui va donner toute une analyse des dispositions au bien, et du côté de l'arbitre, dans le fond, la question du penchant au mal. Et donc, ce qui me semble très important de voir, c'est que Kant pense, dans le fond, la liberté de l'arbitre toujours dans les termes d'une insubordination, d'une insoumission, et jamais d'une rébellion. Donc, ce qui me semble intéressant de voir, c'est que la loi morale s'impose à toute conscience. Ça, c'est le fait de raison. Ça, c'est la grande thèse kantienne. C'est dans le fond, même l'homme le plus scélérat, dit-il, dans la religion, dans les limites de la seule raison, entend la voix du devoir. Mais entendre la voix du devoir n'est pas encore ni l'écouter, ni la transformer en maxime d'action. Et donc, il peut s'y soustraire. Il peut ne pas. Je peux ne pas obéir à la loi morale. Et ce pouvoir ne pas, et c'est là toute la question du mal radical, ce pouvoir ne pas est le fait de la liberté de l'arbitre. Mais ce fait ne fait pas droit. Ce fait est en fait une sorte de pure contingence. Il y a une chose très belle que dit Adorno dans un cours de 59 qu'il consacre à Kant. Il dit dans le fond ce à quoi on devrait porter une attention quasiment systématique chez Kant, c'est la contingence intelligible. Voilà, il y a une contingence, mais qu'on va tenter d'éclairer alors même qu'elle est inscrutable, en la nommant penchant au mal. Voilà, mais ce qui me semble important de voir, c'est d'abord la hiérarchie entre disposition et penchant, qui nous permet de comprendre qu'il n'y a pas, dans le fond, un manichéisme, une lutte entre deux principes, mais il y a la possibilité pour tout un chacun de se dérober à l'ordre ou à l'injonction morale. Et pourquoi c'est pas de la rébellion, Parce que la rébellion, en fait, Kant, là encore, il y a un côté un peu pascalien, il dit si on met le mal du côté de la sensibilité corrompue, c'est trop peu. Et si on la met du côté d'une sorte de corruption de la raison qui nous donnerait la loi d'une méchanceté pour la méchanceté, c'est trop. Et donc c'est du côté de la liberté, de la seule liberté, c'est-à-dire de l'imputation de la liberté qu'il faut penser le mal. Et le siège de l'imputation, le siège de la responsabilité, c'est l'arbitre. Voilà. Et donc ça me semble important parce que du coup, on n'a pas une autre loi ou on n'a pas une libération complète de la loi morale qui nous permettrait de faire le mal pour le mal. De ce point de vue-là, il faut penser le mal dans les termes d'une perversion, c'est-à-dire d'un renversement de la préséance de la loi morale sur les maximes gouvernées par l'intérêt ou l'inclination. Une perversion, je dirais, un peu en jouant sur les mots, mais pas une perversité. Une insubordination, mais pas une rébellion. C'est-à-dire que la possibilité, dans le fond, d'une volonté qui serait complètement libérée de l'injonction morale et qui aurait peut-être même une autre loi corrompue, d'une raison corrompue, qui lui enjoindrait de faire le mal pour le mal, ça pour Kant, c'est pas envisageable. Nous sommes désormais en mesure d'écouter un premier texte. Grâce à vous, Michel Cohen-Halimi, vous nous avez donné toutes les définitions dont nous avions besoin pour comprendre cet extrait de La religion dans les limites de la seule raison, qui paraît en 1793, lu ici par Éric Herson-Macarel. Qu'est-ce que le mal radical ? Il y a en l'homme une propension naturelle au mal. Et cette propension elle-même, dans la mesure où elle doit en tout cas être recherchée en définitive dans un libre arbitre, et peut donc donner lieu à une imputation, est moralement mauvaise. Ce mal est radical, parce qu'il corrompt le fondement de toutes les maximes. En même temps, aussi parce qu'il s'agit d'une propension naturelle, ce mal ne peut être extirpé par des forces humaines, puisque cela ne pourrait se produire que par l'intermédiaire de bonnes maximes, ce qui ne peut intervenir quand le fondement subjectif suprême est présupposé corrompu. Mais il faut pourtant qu'il soit possible de le dominer, puisque c'est en l'homme comme être agissant librement qu'on rencontre le mal. Ce qu'il y a de méchant dans la nature humaine, n'est donc pas tellement de la malignité, si l'on prend ce terme dans sa signification rigoureuse, c'est-à-dire comme une intention d'intégrer dans ses maximes le mal en tant que mal comme motivation. Bien plutôt s'agit-il d'une perversion du cœur, lequel ne peut être désigné comme un mauvais cœur que par voie de conséquence. Celui-ci peut coexister avec une volonté bonne en général, et provient de la fragilité de la nature humaine, insuffisamment forte pour observer les principes qu'elle s'est donnés. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, nous parlons de Kant cette semaine. Aujourd'hui, quatrième question, qu'est-ce que le mal radical, en compagnie de la professeure de philosophie Michel Cohen-Halimi. Un mot peut-être pour expliquer ce texte sur le livre d'où il est tiré, n'en a pas encore parlé cette semaine, La religion dans la limite de la seule raison. 1793, je le dis, c'est plutôt un texte tardif, qu'est-ce qu'on y trouve? Alors ça, le texte qui vient d'être lu est dans la première partie de La religion dans la limite de la seule raison, et c'est un texte que Kant fait paraître dans la Berlinische Monatsschrift, qui était vraiment la revue où il fait paraître tous ses articles qui contribuent dans le fond à la propagation des Lumières. Donc c'est un texte d'abord qui est apparu seul, en revue, et puis qui ensuite, du fait de on va pas rentrer dans cette histoire éditoriale, mais du fait de problèmes de censure pour le deuxième texte, pas pour celui-là, pour celui qui devait faire suite, bon, Kant va rassembler les textes qu'il avait prévu de publier en un seul volume. Alors là, la religion et ce premier texte, comme l'ensemble du livre, qui va paraître donc en 93, alors que le premier texte paraît en revue en 92, me semble au point de jointure entre les deux grandes questions critiques qui sont « que dois-je faire ?» et « que m'est-il permis d'espérer ?» Dans le fond, je crois que Kant, dans ses... Mais que puis-je savoir en premier ? Que puis-je savoir ? Première critique, que dois-je faire ? Deuxième critique, et « que m'est-il permis d'espérer ?» Troisième critique, plus religion. Et là, il me semble que Kant prend acte de la difficulté à penser l'effectivité de la vertu. Et que cette difficulté, on voit monter, je crois, c'est très sensible dans certains paragraphes de la troisième critique, autour des paragraphes 80-90, toute cette dizaine de paragraphes, plus le texte là, la première séquence de la religion. On voit monter, je crois, dans les lignes kantiennes, une sorte de conscience désenchantée de la finitude. Kant va devoir faire face à deux choses, dans le fond, au désespoir possible du vertueux, qui persévère dans la vertu mais qui s'interroge sur l'effectivité de son action vertueuse, et, puisqu'on en est toujours à cette question du mal radical, au fait manifeste du mal qui domine dans le monde et qu'il faut bien s'expliquer sans recourir, on l'a dit, ni à une sorte de d'anthropologie théologique, ni même d'ailleurs d'aucune manière d'une nature humaine. Donc là, dans le texte qui a été lu, ce qui me semble extrêmement complexe, et c'est vraiment proprement kantien, toujours cette démarche de resémantiser des concepts qu'on croit bien connus et dont le sens paraît immédiatement clair, c'est le concept, je crois, de nature qui devient un concept. Concept limite. Alors pourquoi un concept limite ? Parce qu'il me semble que là, on est en train de penser une sorte de quasi-nature de la liberté elle-même. Une quasi-nature de la liberté de l'arbitre et une quasi-nature de la liberté pensée comme autonomie du côté de la volonté déterminée par la loi morale. Et donc là, il faut pas se méprendre. Kant n'est pas en train de replonger la liberté dans les mains de la nature, comme il dit parfois, mais il est en train d'essayer de comprendre précisément cet inscrutable, cet insondable, de la possibilité irréductible qui est la nôtre de ne pas obéir à la loi morale. Et cette possibilité-là, eh bien, dans le fond, elle nous confronte au mal dominant dans le monde, à cette sorte de lamentation par quoi la religion s'ouvre et qui est, le mal domine dans le monde, le monde va mal. Et donc, il va là plonger toujours plus profond et se donner la possibilité, dans le fond, de remonter depuis l'action mauvaise. Et donc là, on se place du côté de l'arbitre, qui ne fait pas descendre la loi morale dans les maximes des actions, qui se soustrait à l'injonction morale et qui choisit l'inclination, l'intérêt, de diverses manières d'ailleurs, parce qu'il y a différents degrés du penchant au mal. Il y a la fragilité, l'impureté, la méchanceté. Oui. Et qui, Kant, là, va dans le fond s'interroger sur mais quel est dans le fond quel est dans le fond cette nature de l'arbitre ? Y a-t-il une nature de l'arbitre ? Mais n'est-ce pas le mal n'est-il pas une preuve de la liberté ? Pouvoir commettre le mal, c'est pas le prix à payer de la liberté ? Oui, c'est ça, c'est le prix. Sinon, on serait pas libre si on pouvait pas commettre le mal. Donc absolument. Pourquoi est-ce un problème ? La question est de savoir pourquoi est-ce qu'on choisit plus le mal que le bien, c'est ça ? La question est de comprendre dans le fond à quoi rime l'effort du vertueux. Ah oui, donc c'est plus en termes de presque d'encouragement à la vertu, puisque Kant nous dit que c'est, vouloir être heureux n'est pas un motif suffisant pour dire qu'on agit moralement. Donc le bonheur n'est pas une récompense, sinon on n'agit pas vertueusement. Donc il se dit, mais finalement, comment faire en sorte que l'homme va agir selon sa vertu si finalement il y a tant de mal autour de nous et qu'il n'y a pas de rétribution finale? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la religion, elle s'ouvre quand même par le fait que la raison... Quand vous dites la religion, c'est le texte. Oui, la religion, la limite de la seule raison. Elle s'ouvre par le fait que la raison ne peut pas rester indifférente à ce qui résulte de l'action vertueuse. C'est-à-dire, elle ne peut pas rester indifférente à la réalisation dans le monde de ce qu'elle commande. Parce que, en fait, il y a une sorte de principe modal pratique assez simple qui régit toute l'analyse, c'est qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Donc, à quoi bon s'efforcer d'être vertueux si cet effort qui doit s'étaler à l'échelle d'une vie et même au-delà, postulat de l'immortalité, ne produit rien dans le monde. Là, il y a quand même un danger qui est le désespoir. Et ce danger-là, Kant en prend conscience de manière assez forte, dès la critique de la raison pratique, puisqu'il formule l'hypothèse de ce que à miser trop sur presque le militantisme de la vertu du vertueux, on risque de lui faire traverser un tel désespoir que ce désespoir risque de refluer vers, dans le fond, la loi morale elle-même, c'est-à-dire le vertueux pourrait finir par se demander si cette loi morale n'est pas une chimère, n'est pas quelque chose de fantastique. Il y a quand même, il me semble, chez Kant, de plus en plus une prise en considération presque de la dimension existentielle de la vie du vertueux. Ah oui, vous irez jusque-là? Oui. Et il y a un texte, moi, qui m'étonne toujours et qui est un texte presque, je dirais, pré-nietzschéen, ou qu'on peut lire, c'est pas pré-nietzschéen, qu'on peut lire avec des lunettes nietzschéennes, et qui est le paragraphe 83 de la critique de la faculté de juger, où Kant dit « On interroge le vertueux, on lui demande s'il aimerait, épreuve de l'éternel retour s'il en est, on lui demande s'il aimerait revivre la vie qu'il a vécue, et la réponse est nette, c'est non. C'est non. Parce que dans le fond, le vertueux a appris, dans le fond, à subordonner son désir de bonheur à la valeur en dignité qu'a gagné sa vie. Mais cette subordination le laisse avec l'espoir d'un bonheur mérité, d'une dignité au bonheur, mais qui n'est pas rempli parce que la raison pratique nous soumet à un ordre moral qui n'a aucune espèce d'efficience dans l'ordre de la nature où on a à penser le bonheur. Et donc ce hiatus entre un vertueux, et ça je crois que c'est quand même un grand tournant philosophique, c'est que la vie est pensée comme valeur. Et que le renoncement au bonheur dont nous sommes capables, au sens où ce ne serait pas notre priorité absolue, on pourrait être déterminé par autre chose que par la quête du bonheur, reste tout de même, parce que la structure de la volonté est une structure finale, la faculté de désirer, dont la volonté est une forme, a une structure finale. Kant le dit très clairement, on ne peut pas vouloir sans vouloir quelque chose, sans viser une fin. Et donc le vertueux d'avoir renoncé à faire du désir du bonheur le principe de détermination de son acte, n'en demeure pas moins un vertueux qui désire le bonheur dont il est digne, dont sa vie qui a gagné en dignité devrait lui garantir la promesse. Or, cette garantie de promesse, voilà à quoi la raison est confrontée, c'est-à-dire que dans le fond, il va lui falloir aller puiser un fond de croyance et construire une possibilité de croire et d'espérer. Faute de quoi, eh bien, peut-être tout l'édifice pourrait s'effondrer. Mais ça, c'est dingue, ce moment dans la pensée kantienne où il a recours à la religion comme étant un motif, encore une fois, d'encouragement. L'homme a besoin de croire que la vie est éternelle et qu'il y a sans doute une récompense ou du bonheur futur pour pouvoir agir moralement. Il prend le risque de se contredire, ce faisant. Non, je crois pas, parce que c'est pas le fondement de toute la structuration de la moralité. C'est Un aveu d'impuissance, peut-être, quand même. On a besoin d'autre chose. La raison ne se suffit pas elle-même pour agir moralement. Elle suffit pas à être heureux. Ah, ça, certainement. Ouais. Il me semble que ça, Kant le dit très clairement dans la fondation de la métaphysique des mœurs, la raison ne rend pas heureux. Et qui attend le bonheur de la raison va devenir misologue. Ça, c'est le destin promis. Mais ce qui me semble, je dirais plutôt qu'impuissant, je dirais la question vraiment de l'ineffectivité. Ouais. De l'ineffectivité de la vertu. Et ça, c'est vraiment, va suppléer à ce constat grandissant, je disais, conscience désenchantée de la finitude. Elle se rattrape ou elle se sauve elle-même en ouvrant tout le champ de l'espérance. Et le champ de l'espérance, la raison ne suffit pas à elle seule, dans le fond, à le porter. Elle ne suffit pas à elle seule à soutenir cette croyance dans la possibilité qu'advienne ce qui doit advenir. Et donc là, la raison va aller puiser dans un fond de croyance qui est celui de la religion statutaire ou révélée chrétienne. Jusqu'au XVIIe siècle, on était persuadé que l'intelligence, la raison, eh bien, c'était ce qu'il y avait de divin en l'homme, et par conséquent, c'était absolument bon. Et puis sont arrivés des philosophes, et qui sont appelés Jean-Jacques Rousseau et Emmanuel Kant, qui ont mis en doute ce pouvoir de l'intelligence et qui ont lancé cette idée scandaleuse qu'on pouvait être très intelligent et très méchant. Et que la bonté, la moralité n'était pas affaire d'intelligence, et qu'elle était sous la domination d'un instinct particulier, divin, qui s'appelait la conscience, et que la conscience nous renseignait, en dehors de toute intelligence, sur ce qu'il y avait à faire et à ne pas faire. Il faut que le désir du bonheur soit le motif de maxime de la vertu, ou que la maxime de la vertu soit la cause efficiente du bonheur. Le premier cas est absolument impossible, parce que des maximes qui placent le principe déterminant de la volonté dans le désir du bonheur personnel ne sont pas du tout morales et ne peuvent pas fonder de vertu. Mais le second cas est impossible aussi, parce que l'enchaînement pratique des causes et des effets dans le monde n'obéit jamais aux intentions morales de la volonté, et que par conséquent, on ne peut dans le monde attendre de la plus exacte observation des lois morales aucune liaison nécessaire et suffisante pour le souverain bien entre le bonheur et la vertu. Or, comme la mise en œuvre du souverain bien se trouve inséparablement liée à la loi morale, l'impossibilité du premier doit entraîner aussi la fausseté de la seconde. Si donc le souverain bien est impossible d'après les règles pratiques, la loi morale qui nous ordonne de le mettre en œuvre doit elle aussi être fantastique et tendre vers des fins vides et imaginaires, par conséquent être fausse en soi. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Vous avez entendu la voix de Michel Tournier, c'était une archive du 11 février 1981 dans l'émission Radioscopie de Jacques Chancel, archive dans laquelle Michel Tournier affirmait, montrait quel tournant Rousseau et Kant avaient opéré dans l'histoire de la philosophie en affirmant que le mal pouvait être rationnel. Et puis un texte tiré de la Critique de la raison pratique, 1788, donc avant le texte de la religion comprise dans les limites de la seule raison, d'Emmanuel Kant. Un texte là aussi assez incroyable parce qu'il émet l'hypothèse que la loi morale, qui nous ordonne de mettre en œuvre donc le souverain bien, eh bien pouvait être fausse, il emploie le terme, être fausse en soi, dit-il. Et que Kant puisse lui-même envisager que cette loi morale soit fausse a quelque chose d'assez incroyable quand on le suit depuis le début de ce texte, Michel Cohen-Alimi. Oui, c'est un moment malin génie de la dialectique de la raison pratique. C'est-à-dire que qu'adviendrait-il si dans le fond, alors même que Kant dit, je crois, dans le paragraphe 12 de l'Anthropologie du point de vue pragmatique, que la raison ne prescrit pas l'impossible. Eh bien, si dans le fond, on était confronté à l'impossibilité d'avoir un souverain bien qui soit pas simplement un bien suprême, c'est-à-dire l'accomplissement de la vertu, l'accomplissement pratique, mais qui soit toujours amputé, dans le fond, du complément de bonheur. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que dans le fond, on préjugerait de la capacité qu'a le vertueux d'endurer toutes les épreuves du monde sans jamais remettre en doute, dans le fond, la validité de la loi morale qui lui prescrit l'impossible. Donc là, on rouvre en quelque sorte l'épineuse question du souverain bien, puisqu'il faut trouver le point de connexion possible entre deux hétérogènes, la vertu qui relève de l'ordre moral et le bonheur qui relève de l'ordre naturel. Or, chez Kant, le domaine de la liberté et le domaine de la nature sont deux domaines hétérogènes. Ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire qu'on peut être vertueux en étant malheureux. Ça veut dire qu'on peut être méchant en étant heureux. et qu'il y a quelque chose de choquant et de scandaleux, dans le fond, du point de vue existentiel, hein, du vertueux, à voir cette disjonction, cette hétérogénéité, pouvoir se transformer en une sorte de contradiction morale ou de scandale moral. Et donc, il va falloir, ce qu'on disait tout à l'heure, que la raison puise un fond de croyance, ou soutienne la croyance dans la possibilité que soit possible ce qui doit être. C'est-à-dire, ce que veut le vertueux, c'est, dans le fond, agir moralement. Mais ce qu'il ne peut pas ne pas vouloir, c'est tout de même le bonheur qu'il mérite. Or, comment, voilà, produire une synthèse entre deux termes, vertu et bonheur, qui, chez Kant, n'ont aucun rapport analytique, ne se renferment pas du tout l'un l'autre. Et donc là, il va falloir eh bien, forger une sorte de foi rationnelle, avec des articles de foi, dont le postulat de l'existence de Dieu est un postulat extrêmement important. Donc la raison théorique est convoquée, en quelque sorte, pour formuler une hypothèse subjectivement nécessaire, c'est-à-dire nécessaire à l'exercice de la raison pratique dans son propre champ. Alors là, on est vraiment du côté du Dieu des philosophes, comme dirait Pascal, et pas du Dieu des croyants. Alors on est du côté... Dieu devient un objet, le synonyme de souverain bien pour nous encourager à agir. On n'est plus du tout dans la foi ou dans la religion, justement. Il est le créateur d'un ordre moral du monde où il y a une connexion et une proportion possible entre la vertu et le bonheur. Donc, mon bonheur promis, mérité, va être proportionné par ce Dieu moral à la vertu dont je suis capable, que je suis capable de produire et d'inscrire dans le monde. Donc ça me semble extrêmement important. C'est quand même une religion morale. Oui, mais ça veut dire que, comme le disait Michel Tournier, Kant, et sans doute comme Rousseau d'ailleurs, mais de manière très différente, est bien d'un philosophe de son siècle. Et d'un côté, il apporte quelque chose de nouveau en dissociant le bien du vrai, disons. C'est-à-dire qu'on peut, pour reprendre la phrase antique de Socrate, « Nul n'est méchant volontairement, donc il suffit d'avoir une bonne connaissance pour agir moralement. » Kant va dire non, mais en même temps, il a encore besoin du recours à Dieu pour pouvoir, sur laquelle presque fonder sa philosophie morale. Enfin, pas fonder, c'est vrai, mais ici, le recours à Dieu est indispensable pour la cohérence même de son propos. Oui, le passage que vous avez lu, enfin fait lire de l'antinomie de la raison pratique me semble un moment malingénie, un moment extrême. Donc le malingénie, c'est Descartes qui convoque à malingénie pour imaginons que finalement tout ce que je tiens pour vrai ne le soit pas, tout ce que je tiens pour réel ne le soit pas. Que la loi morale qui est au plus intime de ma conscience, dans le fond, soit fausse, fantastique, une chimère. En fait, j'ai halluciné une voix, une sorte d'hallucination acoustique. Donc là, c'est quand même une hypothèse extrême, mais je pense malgré tout qu'il ne faut pas confondre le moment de fondation de la morale et le moment, et ça me semble extrêmement important, c'est-à-dire que m'est-il permis d'espérer fait suite à que dois-je faire, et nous confronte une fois encore à la question de l'effectivité de la liberté humaine, de l'effectivité de la vertu. Et donc c'est là qu'il y a un risque de reflux qui pourrait remonter vers le moment fondationnel. Mais il faut tout de même les maintenir dissociés. Ça me semble dans le fond difficile d'envisager de mélanger les deux séquences de l'analyse kantienne. Non, pas les mélanger, mais montrer que l'une a besoin de l'autre à quelque chose d'étrange. Alors peut-être pour quand on vit au XXIe siècle, peut-être que c'était moins étrange au XVIIIe siècle, mais il est difficile de pas voir la nécessité de ce recours à l'identification du souverain bien à Dieu comme étant l'aveu non pas d'un échec, peut-être même pas d'une impuissance, mais d'une faiblesse de la raison elle-même, de la philosophie elle-même, qui ne peut pas se passer de l'idée de Dieu. Elle fait revenir Dieu comme producteur d'une synthèse entre la vertu et le bonheur. Donc il n'est pas immédiatement le souverain bien, mais non. Il est ce qui nous permet de croire dans la possibilité de cette synthèse. Donc nous permet de croire dans la possibilité que tout l'effort vertueux va être rétribué dans les termes d'un bonheur mérité. Faute de quoi le vertueux est abandonné à son désespoir. C'est ça. Mais c'est là où on voit que la conception du mal a peut-être évolué en deux siècles, voire deux siècles et demi. Je vous propose, pour aller dans ce sens, d'écouter la voix d'Anna Arendt, qui parle, alors elle pas du mal radical, enfin si elle emploie l'expression justement, mais écoutons-la décrire ce qu'elle entend, ce qu'elle a appelé la banalité du mal et qui a suscité une grande polémique d'ailleurs parce qu'il paraissait insupportable qu'on puisse qualifier de banal l'exécution d'un mal absolu, à savoir celui de la Shoah, donc du massacre des Juifs. Et vous verrez dans quel sens finalement l'emploi de cette expression non seulement dénote une autre conception du mal, et peut-être que ce mal a-t-il changé en 2 siècles justement, mais ne semble pas sans lien avec ce que dit Kant par ailleurs. Écoutez-la. Lorsque j'ai écrit mon livre sur Eichmann à Jérusalem, l'un de mes principaux objectifs était de détruire la légende de la grandeur du mal, de la force démoniaque. Of the greatness of evil, of the demonic force, of to take away from people. De retirer aux gens l'admiration qu'ils ont pour les grands malfaiteurs comme Richard III. Etc. Now I found in Brecht the following. J'ai trouvé dans Brecht la réflexion suivante. Les grands criminels politiques doivent à tout prix être mis à nu et surtout être livrés au ridicule. Cher Gershom Scholem, vous avez tout à fait raison. J'ai changé d'avis et je ne parle plus de mal radical. À l'heure actuelle, mon avis est que le mal n'est jamais radical, qu'il est seulement extrême et qu'il ne possède ni profondeur, ni dimension, ni démoniaque. Il peut tout envahir et ravager le monde entier précisément parce qu'il se propage comme un champignon. Il défie la pensée, comme je l'ai dit, parce que la pensée essaie d'atteindre à la profondeur, de toucher aux racines, et du moment qu'elle s'occupe du mal, elle est frustrée, parce qu'elle ne trouve rien. C'est là sa banalité. Seul le bien a de la profondeur et peut être radical. Michel Cohen-Halimi, cette lettre d'Anna Arendt à Gershom Scholem, qui date du 24 juillet 1963, est assez incroyable à l'écoute et à la lecture, et surtout après la discussion que nous venons d'avoir, parce qu'elle semble répondre à ce que dit Kant, puisqu'elle emploie cette expression de mal radical pour dire au fond, c'est pas le mal qui est radical, ce serait peut-être le bien d'ailleurs qui pourrait être radical. Oui, absolument. Je crois que c'est très intéressant cette idée que vous avez là de mettre en rapport la confrontation de Arendt qui invente ce concept qui lui est venu comme ça un peu rapidement puis dont elle se réapproprie après coup dans divers textes hein, en particulier aussi dans Responsabilité et Jugement et ce qui me semble important là c'est que on sort et ça me semble vraiment intéressant on sort du pathos de l'exceptionnalité, de se soustraire à, de l'insoumission à la loi morale. Et on pense tout à l'inverse, le contraire. Et donc là, il y a chez Arendt quelque chose de très très fort, qui est le nouage entre ce qui caractérise le XXe siècle et surtout l'idéologie criminelle du nazisme, le nouage entre l'idéologie et la réification. C'est-à-dire qu'en fait, on a affaire à des individus qui abdiquent, on pourrait dire, alors si on reste dans les coordonnées kantiennes, pour voir comment elles travaillent. On a affaire à des individus qui abdiquent la liberté de l'arbitre, qui abdiquent... Vous parlez de qui, là ? De Kant. Qui abdiquent la liberté de l'arbitre, c'est-à-dire qui abdiquent toute responsabilité, toute possibilité de se voir imputer leurs actes, réification. Ils deviennent des exécutants, des fonctionnalités, des fonctions, dans une longue chaîne d'exécution des ordres. Ce qui s'applique à Eichmann. Alors là, moi, j'ai un peu d'embarras pour le cas Eichmann comme illustration de ce concept, mais on y reviendra après. Ce qui me semble important, c'est qu'on est plutôt dans le scénario de quelqu'un, presque le conformiste de Moravia ou de Bertolucci, c'est-à-dire de quelqu'un qui, dans le fond, jamais ne s'interroge sur la possibilité qu'il aurait de désobéir à un ordre. Mmh. Et donc, on a des exécutants, on a des fonctionnaires du crime, si on veut, des administrateurs de l'assassinat, qui jamais ne sont, dans le fond, imputables, auxquels on ne peut pas, ou qui se pensent comme non responsables de ce qu'ils font, qui se présentent eux-mêmes comme ayant obéi aux ordres. Et donc, ce que dit Arendt, c'est que le XXe siècle, et surtout cet épisode de la Seconde Guerre mondiale et de l'extermination des Juifs d'Europe, nous a confrontés, dans le fond, à des crimes absolument monstrueux, sans monstre derrière. Donc il faut sortir de cette sorte de pathos, de l'insoumission, de l'exceptionnalité, et il faut penser plutôt la noirceur de l'exécutant, du sujet qui s'accepte ayant abdiqué toute liberté d'arbitre, et qui a, conformément aux ordres qui étaient donnés, immédiatement, je dirais, fait descendre l'ordre, quel qu'il soit d'ailleurs, parce que c'est vraiment pas la loi morale, fait descendre l'ordre dans ses maximes et appliqué de manière quasi mécanique. Donc c'est presque la sainteté inversée, c'est-à-dire une obéissance spontanée, sans le moindre usage de la liberté qui est le lieu exécutif de l'arbitre. Et donc ce que je trouve assez étonnant dans cette réflexion de Arendt, c'est que finalement, l'exceptionnalité, ou s'il y avait un pathos et une grandeur, eh bien il serait du côté de la transgression, là, pour le bien. Voilà. Donc c'est s'accepter de toute cette chaîne d'exécution et d'ordre, où tout un chacun s'accepte réifié, non responsable, non sujet d'un arbitre libre, et s'accepter de toute cette chaîne, se sortir de toute cette chaîne, et ne pas vouloir obéir à cet ordre-là, et faire le bien autrement. Donc là, il y a quelque chose, me semble-t-il, dans la confrontation de Arendt avec son invention de la banalité du mal, qui n'a rien à voir avec courant. C'est pas un mal courant, c'est même pas un mal ordinaire. Et donc c'est très intéressant de voir que c'est un mal extrême, mais qu'on est dans cette horizontalité. Voilà, on parlait de la verticalité au début de l'émission, voilà. Là c'est l'horizontalité. C'est l'horizontalité d'une chaîne d'exécution où en fait on a auto-aboli, on a abdiqué, j'ai pas d'autre mot. Il y a quand même un ordre initial. Il y a les exécutants, mais l'ordre initial, justement, il y a bien un sommet, il y a quelqu'un qui demande aux autres d'agir de cette façon-là. Et oui. C'est là où il y a un inversement, parce que là c'est comme si c'est la loi morale elle-même qui était tellement pervertie que ce n'est pas que être conforme à cette loi qui nous est dictée était faire le mal et non plus faire le bien. Oui, mais alors on est dans un contexte aussi, il faut pas oublier que Hans Frank, qui s'occupe de l'extermination des Juifs à l'Est, a complètement réécrit la critique de la raison pratique, ah oui, et a mis à la place de la loi morale le Führer. Donc à partir de là, c'est vrai, si vous voulez, oui, absolument. Et c'est vrai que Hannah Arendt dit elle-même dans Eichmann à Jérusalem combien elle est saisie d'entendre Eichmann citer Kant. Enfin, c'est l'impératif catégorique, c'est la voix du Führer. Donc c'est évidemment un contresens complet. Alors pour ce qui est de Eichmann, là, je pense que moi j'ai de l'embarras, je dois dire. Donc, dans ce texte de Eichmann à Jérusalem, il me semble que Eichmann, quand même, est tout sauf un exécutant. Il me semble que le problème pour moi, en tout cas, c'est que Arendt prend le plaidoyer d'Eichmann comme une description des responsabilités d'Eichmann dans l'exécution et dans l'extermination des Juifs d'Europe. Or, tout de même, Eichmann rentre dans la SS en 1933. En 1934, il est chargé de l'évacuation des Juifs d'Autriche, et le film de Lanzmann, Le Dernier des Injustes, nous le montre, Mohmelstein raconte la scène de sa rencontre avec Eichmann, qui a posé un pistolet sur le bureau, et qui est terriblement menaçant et affreux. Et puis ensuite, très peu de temps après, je crois 35-36, il est chargé de l'évacuation des Juifs à l'Est. Donc vous pensez qu'Arendt a minimisé son intentionnalité? Outre dernière chose, qu'il est à la conférence de Wannsee, chargé d'organiser la solution finale le 20 janvier 1942. Il y a 14 SS présents à cette réunion et Eichmann est chargé par Himmler d'écrire le protocole de la solution finale. Donc considérer Eichmann comme un exécutant au pouvoir, dans le fond, illustrer cette thèse, je trouve extrêmement forte sur la caractéristique du mal dans la modernité du XXe siècle et à travers les horreurs de l'extermination des Juifs d'Europe. Eh bien, je trouve que moi, mon embarras, c'est que Eichmann ne me semble pas la bonne illustration de cette affaire-là. La question est de savoir si on peut lire Kant de la même façon avant et après la Shoah, justement. Est-ce que ce que dit Kant, qui s'applique à, encore une fois, à un certain siècle, à une certaine époque, s'appliquerait encore aujourd'hui, au fond? Est-ce que sa thèse se soutiendrait encore aujourd'hui? Dans le contexte où Arendt réfléchit est quand même celui de la prégnance de l'idéologie criminelle nazie, et celui d'un procès de réification qui est aussi notre monde, où nous sommes nous-mêmes, on entend des personnes dire qu'elles ont changé de logiciel ou des choses de ce genre, où dans le fond nous pensons nous-mêmes un peu comme des choses, des fonctionnalités, des pièces exécutantes. Et donc c'est là le problème, et je pense qu'au contraire, la réflexion kantienne est une réflexion qui nous permet une sorte d'élaboration de résistance, outre que la voie du Führer, c'est pas évidemment pas la voie de la raison pure pratique, donc je vois pas du tout que le dispositif construit par Kant, élaboré par Kant pour penser la moralité, pour penser dans le fond l'immoralité, soit remis en cause pour penser dans ce champ-là. C'est simplement qu'on est confronté à des nouvelles coordonnées qui sont la réification et donc je dirais presque la destruction des individus. Mais les coordonnées kantiennes nous permettent de mesurer l'importance de cette destruction et des enjeux de cette destruction et d'éclairer voilà, ces crimes monstrueux derrière lesquels il n'y a jamais de monstre. Et c'est du coup très, très, comment dire, significatif, je crois, que Arendt éprouve le besoin de se confronter au mal radical kantien pour poser la thèse d'une banalité du mal. Donc, ces coordonnées restent des coordonnées de référence, mais elles n'éclairent pas, je dirais, l'immoralité et la monstruosité des crimes du XXe siècle. Alors, pour essayer de tenter de répondre à la question que je vous posais en tout début d'émission, Michel Connelmy, pour Kant, est-ce qu'on peut répondre à la question d'où vient le mal? Parce qu'on dit qu'il est radical, ça veut dire qu'il y a une racine. Cette racine est-elle naturelle? Vous avez parlé de penchant au mal. Il distingue le penchant au mal et la disposition au bien. Comment est-ce qu'on peut répondre à cette question? Alors en fait, c'est le tour de force kantien, c'est de ne pas répondre à cette question et de la suspendre. Donc vous me demandez d'où vient le mal, il vous dit je ne vais pas répondre à cette question. Ou alors j'y ai déjà répondu dans la mesure où je vous redis que c'est la liberté. Donc il y a un usage de la liberté de l'arbitre qui vient en quelque sorte se confronter à la liberté essentielle de l'autonomie de la volonté. Donc nous restons une fois pour toutes dans des coordonnées qui sont celles de la liberté. Liberté de l'arbitre, autonomie de la volonté. Mmh. Et nous n'allons pas quitter ce champ. Alors en dépit du fait qu'il emploie le terme de nature, il est en train d'essayer de penser en remontant régressivement des actions de l'arbitre à son intention inscrutable, il est en train dans le fond d'essayer d'inscrire une sorte de mode d'être de l'arbitre méchant. C'est ça, c'est donc, un mode d'être. Voilà, un mode d'être. C'est pas une nature, c'est un mode d'être. Mais ce mode d'être est toujours, en fait, un acte libre. C'est toujours un acte de liberté. Donc c'est toujours la liberté. Mais comment comprendre un mode d'être de l'arbitre qui porterait l'arbitre à ne pas faire descendre la loi morale dans ses maximes? Donc je remonte vers une antériorité intelligible. Voilà, une sorte de maxime suprême, que j'inscris dans l'intelligible avant le temps, avant ma première décision. Et c'est une sorte de péché originel alors? Alors c'est pas un péché originel parce que c'est toujours et encore un acte de liberté. Comme le péché originel. Oui, mais alors précisément. Adam et Ève étaient libres de manger ou non ce fruit. C'est vrai, mais il y a un serpent qui est toujours déjà là. Et c'est en fond une figure de tentation à laquelle on est libre ou non de céder. Oui, c'est ça qui est le coupable, Adam, Ève ou le serpent. Alors ce qui me semble intéressant, c'est que quand il inscrit cette maxime suprême, disons, qui expliquerait un mode d'être de l'arbitre dans l'intelligible, dans un hors-temps, etc., ça lui permet dans le fond de penser une liberté toujours, mais qu'on a contractée. Voilà, nous sommes, alors évidemment, voilà, ça va le conduire à relire ce texte de Genèse, où on a déjà le serpent, déjà la tentation, et la possibilité de ne pas, être dans le fond succomber à la tentation. Et donc ça me semble très important parce que du coup on touche une innéité qui nous permet de penser ce penchant étendu à toute l'espèce. Une innéité, on est bien d'accord, qui n'est pas une nature. Innéité, caractère inné, donc. Voilà le caractère inné. Mal. Mais alors une innéité contingente. Est-ce que possible, pas possible, contracté, voilà, à un moment donné, à un moment T1, voilà, je décide de succomber à la tentation du serpent. J'aurais pu ne pas succomber à cette tentation, donc c'est totalement contingent. Et c'est secondaire par rapport au dispositif, enfin je dirais aux dispositions au bien, qui sont premières. D'ailleurs dans le texte, elles sont présentées en premier lieu, parce que je peux me soustraire, je peux ne pas obéir à la loi morale. Donc cette innéité, elle permet simplement de penser dans le fond à un mode d'être de l'arbitre. Un mode d'être de l'arbitre, mais en quelque sorte, Kant est en train d'antidater à chaque fois la naissance de la liberté de l'arbitre et la naissance de la liberté de la volonté comme autonomie. Il les antidate. Ça veut dire quoi, il les antidate? Il les antidate, c'est-à-dire que dans le fond, il les porte, voilà, dans une sorte de lieu intelligible hors temps. Il les retire du temps, oui. Voilà, qui nous permet d'arrêter la régression à l'infini dans une maxime qui est toujours un acte de liberté. Donc poser la question de l'origine n'a pas de sens. N'a pas de sens, c'est suspendu. Il n'y a pas d'origine. Parce que qui dit où est l'origine du mal va nécessairement aller se mettre en quête d'une structure ou alors, anthropologique, ouais. théologique. Donc nous avons affaire, et donc toute la question du mal est portée dans ces profondeurs de l'anthropologie morale, où nous sommes nous-mêmes en débat et en conflit avec la loi morale qui nous enjoint d'agir moralement, et la possibilité irréductible, mais insondable, et qui est le fait de notre liberté, mais un fait qui ne fait pas droit, un fait, voilà, cette sorte de contingence intelligible, qui est que de manière absolument irréductible, nous pouvons ne pas. Et est-ce que pour Kant, la disposition au bien et le penchant au mal sont au même niveau? Parce qu'il y en a un qui est plus fort que l'autre. Oui, il y a la disposition au bien, et tout particulièrement, d'ailleurs, il y insiste, la disposition à la personnalité, dont il va même jusqu'à dire que là, elle a pour racine la raison pure pratique. Donc là, nous touchons une liberté essentielle, et nous avons face à cette liberté essentielle, celle de l'autonomie, de nous donner à nous-mêmes la loi morale comme motif de notre volonté. Nous avons face à cela, eh bien, la possibilité irréductible mais contingente de ne pas, qui est la liberté de l'arbitre. Donc les penchants sont seconds et ils sont structurés par 3 degrés. La fragilité, donc ne pas aller jusqu'à l'accomplissement, accueillir mais dans le fond ne pas traduire en acte. L'impureté, c'est-à-dire dans le fond mêler dans les maximes la loi morale avec des intérêts. Mmh. Et puis la méchanceté qui est là, alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le renversement de l'ordre, c'est-à-dire une perversion sans perversité, puisqu'il n'y a pas de mal pour le mal, il n'y a pas une volonté diabolique, mais il y a une volonté, et c'est le degré extrême, une volonté qui soumet la loi morale à l'intérêt. Et l'homme peut-il faire l'objet d'une éducation ? Ah voilà, alors voilà, toute cette anthropologie... Il vous reste une minute pour répondre. Oui, alors oui, je crois que toute cette anthropologie morale qui nous plonge comme ça dans les tréfonds, dans le fond de l'essence de notre liberté, contrariée par notre usage de la liberté de l'arbitre, elle a pour objectif de nous éclairer sur le mal dans le monde, dont nous sommes nous-mêmes les responsables, et en même temps, eh bien, puisque ce mal n'est pas, c'est ce par quoi l'émission commençait, on ne peut pas l'exorciser, on peut le vaincre. On peut le surmonter. Et donc là, l'enjeu, c'est aussi celui d'une éducation morale qui va se penser comme conversion complète des motifs et de l'arbitre. Et ça, c'est les professeurs de philosophie qui peuvent éduquer moralement les étudiants, les parents? Ou qui c'est qui fait l'éducation morale? Ah, je crois que c'est toujours le sujet lui-même qui est confronté à ses expériences morales. Il n'y a pas de tutorat en la matière. Donc on va renvoyer l'auditeur au livre d'Emmanuel Kant pour les lire dans ce cas. Et au vôtre, Michel Cohen-Halimi, merci beaucoup d'être venu nous merci parler de Kant vous. Ce matin. Kant, la rationalité pratique, c'est le titre de l'ouvrage collectif que vous avez coordonné aux éditions PUF. On se quitte avec The Andrews Sisters, Money is the Root of All Evil. Et si c'était l'argent, la racine de tout le mal? Money is the root of all evil. Money is the root of all evil. Won't contaminate myself with it. Take it away, take it away, take it away. If a woman calls a man honey, and it's on account of his money, honey and money will soon be gone. Take it away, take it away, take it away. I got the one I love. I got the moon and stars above. I got my youth and health. What do I want with wealth? Money is the root of all evil. Money is the root of all evil. Won't contaminate myself with it. Take it away, take it away, take it away. La la la la la la la la la la. La la la la la la la la. Haven't got a cent, but don't worry. Haven't got a job, but no hurry. I would answer if they gave me gold. Take it away, take it away, take it away. Got a loaf of bread and wine, baby, and the right to call you mine, baby. For your money, I don't care a bit. Take it away, take it away, take it away. What am I saying? Money is the root of all evil. Money is the root. root of all evil. Won't contaminate myself with it. Take it away, take it away, take it away, take it away, take it away, take it away. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, la question philo d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes, tes cours de philo ? C'est vraiment très enrichissant. Ça me demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Aujourd'hui, votre question, c'est celle de savoir est-ce que les philosophes, tout sages qu'ils soient, ne seraient pas des âmes incomplètes ? Alors, les philosophes marchent souvent par deux, comme Platon et Aristote, dans la célèbre fresque de Raphaël. Que serait l'être absolu de Hegel sans la philosophie critique de Kant, qui, en bannissant de tels objets de la métaphysique, l'aura comme acculé à l'existence ? Que serait Parménide, le philosophe de l'être, sans Héraclite, celui du devenir ? Mais par-delà ces jeux d'opposition, certains philosophes interagissent entre eux comme les lentilles d'un télescope, séparément. Ils sont myopes, utilisés ensemble, ils acquièrent une netteté, un champ spectaculaire. Sans Platon, Socrate serait sans doute resté un simple agitateur, peut-être même un démagogue démasqué. Nous n'aurions pas su voir la puissance de ses interrogations, nous n'aurions pas compris, sans le mythe platonicien de la caverne, que ses incessantes questions relevaient de l'écholocalisation. Sans Marx, la philosophie de l'histoire de Hegel serait sans doute tombée dans un kitsch romantique dénué de tout intérêt opérationnel. Mais plus mystérieux est le cas de ces philosophes qui ne se sont ni lus, ni accordés, ni réfutés, mais qui semblent faits pour fonctionner ensemble. Des rencontres ratées, en quelque sorte. Mais pas pour nous, lecteurs, car c'est à nous, cette fois, de faire tout le travail, de disposer autour de la lumière vacillante de l'un, les lentilles de Fresnel, de l'autre. C'est comme ça que j'associe Walter Benjamin et Guy Debord. Comment résumer l'œuvre de Benjamin ? Peut-être en disant que de tous les philosophes, c'est celui qui se laisse le moins facilement résumer. Oui, ben ça c'est de la triche. Un peu. Mais disons que pour cerner le noyau lumineux de l'œuvre de Benjamin, j'ai besoin de l'œuvre de Debord, de sa critique implacable de la société du spectacle. Et là, je crois pouvoir tomber, derrière les panneaux mobiles d'une lanterne magique, sur une image presque fixe de Walter Benjamin. Walter Benjamin comme un sphinx de la culture, comme une énigme ininterrompue, là où il est, là où il naît dans le Berlin bourgeois de la Belle Époque, le Berlin de sa proustienne enfance, qu'il a condensé dans les courts récits de Sens Unique. La société du spectacle n'existe pas. Encore. Elle est pourtant partout chez elle, dans les meubles luisants des salons, dans les horloges mécaniques, dans les publicités déjà omniprésentes. Walter Benjamin est le premier exégète de l'œuvre de Debord, celui qui, le premier, aura rêvé son enfance plutôt qu'il ne l'aura vécu, rêvé ou cauchemardé. Car jamais Benjamin ne se repliera sur les consolations pétrifiées de la nostalgie. Il sait que les images sont empoisonnées. Le spectacle est le mauvais rêve de la société moderne enchaînée, qui n'exprime finalement que son désir de dormir. Le spectacle est le gardien de ce sommeil. Alors Walter Benjamin notait toutes ses lectures, mais il manque un livre à la liste, un livre qu'il aurait lu pourtant avant tous les autres, La société du spectacle, livre dont il serait, malgré l'impossibilité chronologique, le personnage principal. Mais il existe un autre livre de Debord, un livre qu'on lit moins, mais qui est au moins aussi important que celui-ci. Et de quel livre parlez-vous ? De ses commentaires à la société du spectacle, un livre dans lequel il devient stratège, un livre qui décrit les irisations politiques que produit autour de lui le spectacle triomphant, un monde du secret, un monde où on vit et on meurt au point de confluence d'un très grand nombre de mystères. Les commentaires à la société du spectacle sont un traité d'estompe. Debord complète les images obsédantes du premier livre en décrivant les ombres qui les relient, les souterrains de la politique. Et donc il aurait manqué à Walter Benjamin de rencontrer cette sorte de passeur. En tout cas, Walter Benjamin, le prisonnier de Pétain, de Franco et d'Hitler, le suicidé de Portbou, n'avait évidemment pas lu ce livre, n'avait même pas imaginé son existence. Il aurait sinon, à défaut de parvenir à s'échapper, su que le piège était encore plus grand qu'il se l'imaginait, que la toxicité des images avait envahi la politique et que l'intellectuel, bientôt, ne pourrait plus survivre qu'en devenant une ombre, un stratège de sa propre vie. Merci Aurélien Bélanger, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Selle avec Avril Poignant-Legoff, Clara De Giovanni, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Lila Bozès, Laurence Malonda, Esther Valencic et Nicolas Berger ont réalisé pour vous cette émission. À la prise de son aujourd'hui, c'était Nasser Moussaoui. À la lecture des textes, Éric Herson-Macarel. On se retrouve demain. Demain, ce sera l'occasion de découvrir ou de redécouvrir une nouvelle émission. Il s'agissait d'Hamlet, de William Shakespeare, en compagnie d'Olivier Py, une émission initialement diffusée le 25 mai 2020. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, où vous pouvez réécouter l'émission en ligne. Mais rendez-vous également sur l'application Radio France, très facile